Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, 79, année chaotique. Économie, religion, conflits et société, ça vole en escadrille. En août dernier, le New York Times Magazine consacrait l'intégralité de sa pagination à un long article signé du journaliste Nathaniel Rich et annoncé en lettres blanches sur fond noir « Il y a 30 ans, nous aurions pu sauver la Terre ». Cet article a été transformé en livre, il est intitulé « Perdre la Terre » et vient de paraître en français. Les éditions du Seuil nous ont donné l'autorisation de vous donner à entendre de larges extraits de cet ouvrage, nous les en remercions, et grâce à la parfaite maîtrise de l'anglais d'Étienne Duval, nous pourrons également découvrir la voix et les propos de ce jeune journaliste, Nathaniel Rich, enregistré lors d'une rencontre avec le public aux États-Unis pour la parution de son ouvrage. « Perdre la Terre », une enquête de Nathaniel Rich, traduit de l'américain par David Fockenberg et paru au Seuil, aux éditions du Sous-sol. It is hard to read when you hear these predictions of, you know, long-term disaster is now the best case scenario. Le désastre est désormais le meilleur scénario à long terme. Pensez-vous que cela va pousser les gens à voir les choses de façon différente? Is there any way that this can sort of spark a new look at things? Is there any way that the book can spark a new look? I think that's one thing that I was very careful. Est-ce que mon livre va provoquer une nouvelle prise de conscience? Ce n'est pas ce que je recherche. On a écrit beaucoup de choses sur la question de savoir ce qu'il fallait faire, comment il faut motiver les gens à agir. And I think those are all really important conversations to have. Quelle décision il fallait prendre? Quelle politique? C'est un débat très important. Il est crucial. Et il y a de très bons auteurs qui traitent de tout ça. On a aussi besoin de journalisme de vulgarisation scientifique. Mais j'ai pensé que mon rôle pouvait être de creuser un sujet qui n'a pas été traité, celui de la dimension humaine. En d'autres termes, comment cette crise change-t-elle la façon dont nous imaginons l'avenir? Notre rapport à la démocratie, le fait que nous n'ayons pas agi pendant toutes ces années, qu'est-ce que cela signifie quant à nos idéaux, ces valeurs que nous considérons comme fondamentales pour notre société, pour la démocratie? Pouvons-nous continuer à affirmer que nous tenons à l'égalité, à la justice, si nous laissons cet état de fait perdurer? Comment expliquer nos erreurs? Je pense que ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas encore trouvé de réponse. Et ce ne sont pas des questions faciles. On a tendance à passer à côté lorsqu'on se focalise sur d'autres questions, par exemple, que faut-il faire maintenant? Je crois qu'il y a une chose qui a changé par rapport à la période que je décris. Aujourd'hui, les réponses sont claires. Elles font appel aux mêmes éléments. Une taxe carbone, plus d'investissements dans les énergies renouvelables, un abandon progressif du charbon, de meilleures pratiques agricoles, etc. Ce n'est pas cette partie-là qui est difficile. La question est de savoir comment faire pour que les gens s'impliquent, qu'ils agissent. Quels sont les mécanismes politiques qu'il faut mettre en place? Avant d'avoir un débat honnête sur les politiques et la politique, je pense qu'il faut que nous parlions lucidement de nos erreurs, des difficultés que nous avons eues et de nos limites. Nathaniel Rich, capté lors d'une rencontre avec son public aux États-Unis pour la parution de son livre « Perdre la Terre ». Cette semaine, 79, année chaotique. Chapitre 2, les mondes miroirs. Printemps 1979. dans le séjour de la maison de James et Annick Hansen, sous une fenêtre lumineuse donnant sur les arbres de Morningside Park, était posée une causeuse en velours marron sur laquelle personne ne s'asseyait jamais. Leur fils Eric, 2 ans, avait l'interdiction de s'en approcher. Le plafond au-dessus du petit sofa s'affaissait en effet de manière menaçante, comme sur le point d'accoucher d'une forme de vie extraterrestre, et cette boursouflure dans le plâtre s'accentuait au fil des semaines. James avait promis à Annick de s'en occuper, ce qui était la moindre des choses, car c'était lui qui avait insisté pour qu'il renonce à un appartement d'avant-guerre dominant l'Hudson, à Spuyten-Duyl, dans le Bronx, pour s'installer ici, dans cette maison d'un étage dont les murs s'effritaient et où les sirènes de police vous berçaient chaque soir, sans compter ce plafond boursouflé, comme une parturiente. James, qui ne supportait plus la longueur du trajet quotidien jusqu'à l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA à Manhattan, s'était plaint que cette perte de temps considérable, 45 minutes matin et soir, ne serait plus viable une fois que la sonde spatiale Pioneer aurait atteint Vénus et commencerait à les inonder de données. Mais bien que vivant désormais à quelques rues à peine de son travail, James ne trouvait jamais le temps de réparer le plafond qui finit par craquer au bout de 4 mois, recrachant des confettis de tuyaux rouillés et d'éclats de bois. C'était au mois d'avril. James renouvela sa promesse de s'occuper du plafond dès qu'il aurait un moment de libre, ce qui arriverait, selon ses calculs, le jour de Thanksgiving. Annick le prit au mot, même si cela voulait dire qu'elle allait devoir vivre pendant 7 mois avec un trou dans le plafond de son séjour, 7 mois durant lesquels une pluie de plâtre et de poussière allait encore s'abattre sur la causeuse. James avait fait une autre promesse à son épouse, il serait de retour pour dîner chaque soir à 19h. Mais à 20h30, il retournait à ses préoccupations mathématiques. Annick ne lui en voulait pas de cette implication totale dans ses recherches, c'était l'une des choses qu'elle aimait chez lui. Elle n'en était pas moins sidérée par l'objet de cette obsession, les conditions atmosphériques d'une planète située à près de 40 millions de kilomètres de la Terre. James non plus n'en revenait pas, lorsqu'il repensait à tout ça. Comment avait-il fait pour voyager jusqu'à Vénus, lui qui était parti du petit bourg de Dedison, dans l'Iowa, dernier enfant d'une serveuse de restaurant et d'un paysan itinérant devenu barman? Eh bien, c'était là un mystère, le résultat d'une succession d'étranges coups du sort dont il ne prétendait pas être l'initiateur. C'était simplement quelque chose qui lui était arrivé. Hansen pensait être le seul chercheur de la NASA à n'avoir jamais rêvé enfant d'aller dans l'espace. À l'époque, il ne rêvait que d'une chose, le baseball. Les soirs où le ciel était dégagé, son transistor parvenait à capter la retransmission des matchs des Blues de Kansas City, concurrents des New York Yankees. Et tous les matins, il découpait le tableau des résultats dans les pages sport du Omaha World Herald, le journal local qu'il avait employé comme livreur du cours élémentaire jusqu'au lycée, puisqu'il collait ses coupures dans un cahier et compilait des statistiques. Dans cette enfance de privation et de sacrifice, lors de ses premières années, les 6 enfants de la famille s'étaient partagés 2 chambres dans des logements sans eau courante ni réfrigérateur. Les nombres lui avaient rapporté un certain réconfort. Hansen avait fait des études de mathématiques et de sciences physiques à l'université de l'Iowa. Mais il ne se serait jamais intéressé aux étoiles sans l'improbable coïncidence de 2 événements qui avaient eu lieu pendant son année de licence. L'éruption d'un volcan à Bali et une éclipse totale de lune. C'était l'avant-dernière nuit de l'année 1963. Bise glaciale, 25 degrés en dessous de zéro. Hansen avait accompagné son professeur d'astronomie dans un champ de maïs situé à plusieurs kilomètres de la ville. Ils avaient installé un télescope dans un vieux séchoir à maïs qui, comme Hansen ne tarda pas à le découvrir, servait d'abri à tous les scarabées, les mouches, les guêpes vivant 15 hectares à la ronde. Entre 2h et 8h du matin, cette nuit-là, Hansen enregistra l'éclipse en continu à l'aide d'un capteur photoélectrique, ne s'arrêtant que lorsque la rallonge électrique finit par geler et qu'il dut se réfugier en toute hâte dans la voiture pour échapper au froid glacial. Lors d'une éclipse, la Lune ressemble habituellement à une mandarine, ou quand il s'agit d'une éclipse totale, à une goutte de sang. Mais cette nuit-là, à la grande consternation du professeur de Jim Hansen, l'astre disparut totalement. Hansen fit de ce mystère le sujet de son mémoire de maîtrise. Il parvint à la conclusion que la Lune avait été masquée par les cendres du volcan Agung, recrachées dans l'atmosphère à l'autre bout de la Terre 6 mois auparavant. Cette découverte fit naître en lui une véritable fascination pour l'influence que pouvaient avoir des particules invisibles sur le monde visible. Il réalisa soudain qu'on ne pouvait vraiment déchiffrer le monde visible que si l'on comprenait les caprices de ce monde invisible. Or, il se trouva par hasard qu'une véritable autorité en la matière enseignait à l'université de l'Iowa, James Van Allen. Il avait grandi dans une ville agricole toute proche, avait conçu le premier satellite américain, dirigé l'équipe scientifique qui avait lancé l'idée d'envoyer des gens sur la Lune, et fait la première découverte majeure de l'ère spatiale en identifiant les deux zones de particules agitées en forme de beignets qui entourent la Terre, désormais connue sous le nom de ceinture de Van Allen. L'auguste professeur encouragea Hansen à passer de la Lune à Vénus pour tenter de résoudre ce mystère. Pourquoi la surface de cette planète était-elle si chaude ? En 1967, un satellite soviétique avait envoyé sur Terre la réponse « L'atmosphère de Vénus est principalement composée de dioxyde de carbone. Et s'il avait peut-être connu autrefois des températures vivables, l'astre semblait avoir succombé à un effet de serre incontrôlé. » Au fur et à mesure que le Soleil se faisait plus brillant, l'océan de Vénus, dont on estimait qu'il avait jadis noyé la planète sous 24 mètres d'eau en moyenne, avait commencé à s'évaporer, provoquant une densification de l'atmosphère qui avait à son tour accéléré l'évaporation, un cercle vicieux qui avait fini par entraîner la disparition totale de cet océan en ébullition et fait grimper les températures de surface à plus de 400 degrés Celsius. À l'extrême opposé, l'atmosphère extrêmement pauvre de la planète Mars ne contenait pas assez de dioxyde de carbone pour emmagasiner de la chaleur et les températures y étaient 500 degrés Celsius plus basses. La Terre occupait à peu près une position intermédiaire, l'ampleur idéale de son effet de serre suffisant tout juste à la rendre habitable pour les êtres vivants. Annick espérait que la vie professionnelle de James retrouverait un semblant de normalité une fois que les données en provenance de Vénus auraient été reçues et analysées. Mais peu de temps après que la sonde Pioneer avait pénétré dans l'atmosphère de Vénus, Hansen rentra du bureau en proie à une exaltation qui ne lui ressemblait guère. Il rapportait une nouvelle excitante et des excuses. La perspective de 2 ou 3 nouvelles années d'intense travail venait de s'ouvrir devant lui. La NASA était en train d'élargir son étude de conditions atmosphériques terrestres. Hansen avait déjà un peu étudié l'atmosphère de la Terre en développant des modèles climatiques pour Jules Charney, qui était venu au Goddard Institute. À présent, Hansen allait avoir l'occasion d'appliquer à la Terre les leçons qu'il avait tirées de son observation de Vénus. « Nous voulons mieux connaître le climat de notre planète, » expliqua-t-il à Annick, « et savoir dans quelle mesure l'homme peut avoir un impact sur lui. » Les chercheurs de la NASA allaient donc utiliser des supercalculateurs de dernière génération ultra-puissants pour dresser la carte de l'atmosphère terrestre. et grâce à des logiciels spécialisés, il créerait alors des mondes miroirs, des réalités parallèles qui imitaient la nôtre. Tous les phénomènes terrestres soumis aux lois de la physique étaient représentés par des formules mathématiques. La plupart de ces formules avaient été inventées des décennies plus tôt, parfois même des siècles, mais ce n'est qu'avec le perfectionnement des supercalculateurs dans les années 50-60 que les formules gouvernant le comportement de la mer, de la terre et du ciel avaient enfin pu être combinées en un seul et unique modèle informatique. Les mondes miroirs, ou modèles de circulation générale selon leur application technique, étaient capables de prédire des phénomènes aussi complexes que les régimes climatiques régionaux, la formation des tempêtes, la croissance de la végétation et la dynamique des courants océaniques. Mais les mondes miroirs présentaient une différence notable avec le monde réel. On pouvait les faire avancer en accéléré pour dévoiler l'avenir. La déception d'Annick, des années de stress encore pour son mari, de distraction, de temps volé à la famille, quant au plafond n'en parlons pas, fut légèrement atténuée par l'enthousiasme communicatif de Jim. Elle ne l'avait pas souvent vu excité à ce point. Concentrée sur son travail, oui, passionnée, oui, mais cette fois, c'était autre chose. Elle avait l'impression de comprendre de quoi il s'agissait. Donc ça veut dire que vous trouverez peut-être un moyen de mieux prévoir le temps, demanda-t-elle. Oui, répondit Jim. Plus ou moins. Or are a novelist before you started pursuing journalism, and we talked a little bit about some of your novels backstage, but the book really reads like a spy novel in a way. Like, you're painting these scenes of these just like very interesting, quirky people and their activities, and you get to know a little bit about their life and where they live and, you know, what this moment in time was like. And I wonder, like, how did you go about your research? How did you get to know what these people were like, you know, 30 and 40 years ago? Vous êtes aussi romancier. Vous évoquez certaines scènes. Comment avez-vous fait pour savoir comment les choses se passent il y a 30, 40 ans? Yeah, I interviewed more than 100 people. I went to archives all over the country, presidential papers, national archives. J'ai interviewé plus de 100 personnes. J'ai consulté les archives partout aux États-Unis. Les documents de la présidence, les archives nationales. J'ai lu tous les articles de presse que j'ai pu trouver sur le sujet, non seulement ceux de la décennie dont nous parlons, mais aussi avant. J'ai écrit ce livre comme un récit. Un récit dont je suis absent. Il est raconté du point de vue des personnes concernées. C'était crucial pour moi. Une approche narrative qui passe par l'empathie, par ce qui motive le déroulement d'une histoire, c'est une façon plus profonde, plus intime d'appréhender ces questions. Cette approche a fait que dans la phase de documentation, j'ai dû passer beaucoup plus de temps que prévu pour être à même de décrire ces événements avec le degré de précision requis. Le New York Times a une procédure de vérification des faits très robuste. Je vais vous donner un exemple. Il ne suffisait pas que Rafe Pomerantz me dise « Je me souviens avoir été à telle ou telle réunion et d'avoir tapé sur la table en disant « Si nous n'agissons pas, ça va être la fin du monde ». Si les autres personnes qui ont assisté à cette même réunion ne se souviennent proviennent pas exactement de la même chose. S'il dit simplement « il aurait pu l'avoir dit », alors je n'ai pas le droit d'utiliser cette citation. Dans la pratique, cela veut dire que j'ai dû recontacter les protagonistes de façon répétée et aller sur place. Cela m'a donné beaucoup de respect pour les historiens, mais je pense que c'était très important du point de vue du récit. Des gens comme Ralph Pomerantz faisaient face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Par exemple, lorsque le rapport sur le charbon sort en 1979, sa femme était enceinte de 7 mois. Il se trouve que ma femme est actuellement enceinte de 7 mois. Et nous avons ensemble le type de conversation que les gens sont nombreux à avoir actuellement. À savoir, est-ce qu'il est moral de faire venir un enfant au monde aujourd'hui alors que nous savons où va la planète? C'est une conversation difficile. Ralph Pomerantz a eu cette même conversation avec sa femme en 1979. Je pense qu'on ne peut comprendre certaines de ces questions humaines qu'à travers le récit. C'est pour ça que je pense que cela valait la peine de consacrer un temps insensé à ces travaux fastidieux. Nathaniel Rich, capté lors d'une rencontre avec son public aux États-Unis pour la parution de son livre « Perdre la Terre ». Cette semaine, 79, année chaotique. Chapitre 3, un barbecue avant le chaos. Le dernier soir, à Woods Hole, Arakawa passa donc une bonne partie de la nuit à étudier les documents de Hansen et de Manabe étalés sur le grand lit de sa chambre de motel. Il observa que la divergence de résultats entre les deux modèles tenait à l'influence qu'il prêtait à la glace et à la neige. La blancheur des zones gelées et enneigées de la planète réfléchissait le rayonnement solaire. Si un réchauffement du climat les faisait fondre, des quantités moindres de radiation s'échapperaient de l'atmosphère, ce qui accentuerait encore le réchauffement. Peu avant l'aube, Arakawa parvint à la conclusion que Manabe avait sous-estimé l'influence de la fonte de la banquise, tandis que Hansen l'avait surestimée. La meilleure estimation se situait donc exactement entre les deux. Ce qui voulait dire que les calculs du comité Jason pêchaient par optimisme. Quand le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère atteindrait une valeur deux fois supérieure à celle de l'époque pré-industrielle, ce qui arriverait aux alentours de 2035, les températures mondiales connaîtraient une hausse comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés Celsius, la valeur la plus probable se situant à mi-chemin, soit un réchauffement de 3 degrés Celsius. La publication quelques mois plus tard du rapport chapeauté par Jules Charnet, intitulé « Dioxyde de carbone et climat, une évaluation scientifique », ne s'accompagna pas d'un banquet ni même d'une conférence de presse. Pourtant, au plus haut niveau de l'État, de la communauté scientifique et de l'industrie pétrolière et gazière, parmi la petite communauté de personnes qui commençaient à s'inquiéter pour l'habitabilité future de leur planète, le rapport Charnet acquit aussitôt l'autorité d'un fait établi. Ses conclusions étaient en effet le fruit de toutes les prédictions qui avaient précédé, et elles résisteraient d'ailleurs à l'épreuve du temps au cours des décennies suivantes. L'équipe, réunie par Charnet, avait pris en compte tout ce que l'on savait sur l'océan, le soleil, la mer, l'air, les combustibles fossiles, et condensé toutes ces données en un seul chiffre, 3. Quand le seuil du doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère serait atteint, le monde se réchaufferait de 3 degrés Celsius. La dernière fois que la planète avait été plus chaude de 3 degrés Celsius, c'était au cours du Pliocène, 3 millions d'années auparavant. Des forêts de hêtres poussaient alors sur le continent antarctique. Le niveau des océans était plus élevé de 24 mètres et des chevaux sauvages galopaient sur les côtes canadiennes de l'océan Arctique. Mais le rapport Charney inspira à James Hansen des questions plus pressantes. Un réchauffement de 3 degrés Celsius aurait certes des conséquences cauchemardesques, mais à moins que les émissions carbone ne cessent immédiatement, ces 3 degrés Celsius ne seraient qu'un début. La vraie question, c'était de savoir si cette tendance au réchauffement pouvait être inversée. Était-il encore temps d'agir ? Perdre la Terre, une enquête de Nathaniel Rich, traduite de l'américain par David Fauconberg, est parue au Seuil, aux éditions du Sous-sol. Les faits que les jeunes s'impliquent actuellement veut dire qu'il n'est pas trop tard ? Revenons en arrière. Pour moi, la leçon politique que je tire du passé, c'est que l'appel à la raison a ses limites. L'appel à la raison, c'est ainsi que je décrirais l'argument militant et politique en faveur de mesures concrètes sur le climat. C'est l'argument qui a été formulé en premier lieu par Ralph Pomerance et James Hansen. L'appel à la raison consiste à dire que la démonstration scientifique est faite dès 1979. Nous savons ce qu'il faut faire, il faut renoncer à l'énergie fossile. Nous savons que si nous n'agissons pas immédiatement, que cela va devenir bien pire. Fondamentalement, il est illogique de ne pas prendre des mesures. Cet argument est déployé avec de plus en plus de force au cours de la décennie. En 1988, James Hansen dit « Non seulement nous avons la preuve scientifique, mais nous commençons à voir les effets du changement climatique sur les températures moyennes. Ce n'est plus une théorie, ce sont des faits. » 15 ans plus tard, dans le film « Une vérité qui dérange », Al Gore dit qu'en plus de la démonstration scientifique et des faits établis, il y a aussi des courbes qui montrent l'évolution du climat. Cet argument a continué à être utilisé environ jusqu'à la fin 2018. Maintenant, on a fait machine arrière. On continue à parler de la démonstration scientifique, mais ce qui est si important, si précieux dans le Green New Deal, c'est la façon dont la députée au Congrès, Alexandra Ocasio-Cortez, par exemple, en parle, mais aussi Greta Thunberg, la militante suédoise qui organise les grèves d'étudiants en faveur de l'action sur le climat. Elles utilisent un type d'argument très différent. Ocasio-Cortez a déclaré récemment que si nous n'agissions pas, nous aurions du sang sur les mains. Greta Thunberg dit « Vous nous volez notre avenir ». Ces déclarations visent, la plupart du temps, les générations plus âgées, celles qui ont le pouvoir. On entend aussi « vous nous tuez », comme on l'a entendu de la part des militants du mouvement Sunrise qui ont investi le bureau de Nancy Pelosi pour exiger des mesures après les élections à mi-mandat. « Vous nous tuez », cet argument-là est très différent. Il dit « j'ai peur pour mon avenir ». Non seulement il évoque la peur, mais il dit aussi que si aucune mesure n'est prise, alors les fondements même de notre civilisation auront été trahis. Je pense que cela a déjà eu un effet très important. Jusqu'où cela ira et si cela va suffire en soi à faire bouger la politique, l'avenir le dira. Nathaniel Rich, capté lors d'une rencontre avec son public aux États-Unis pour la parution de son livre « Perdre la Terre ». Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Entre Cassandre divagant ».